إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer le cours numéro 46 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah. Et on étudie ce livre avec les explications des ulama. Et donc on continue. Et on est arrivé maintenant dans le livre à la parole de l'imam Al-Khattabi, Abu Sulayman Al-Khattabi. C'est qui Abu Sulayman Al-Khattabi? Abu Sulayman Al-Khattabi, son nom au complet c'est Hamad ibn Muhammad ابن إبراهيم ابن الخطاب من ولد زيد ابن الخطاب أبو سليمان البستي جمع بين علم الحديث والفقه والشعر واللغة إضافة إلى أنه محدث وفقيه كان فقد كان شاعرا أديبا وقد أخذ الفقه على المذهب الشافعي وقال عنه أبو الطاهر السلفي أو السلفي وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود فإذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته تحقق إمامته وديانته فيما يريده وأمانته. Donc il dit que Abu Sulayman, donc on a mentionné son nom, il a réuni entre la science du hadith et la science du fiqh et également la connaissance de la poésie et de la langue arabe. Donc en plus d'être un muhaddith et un faqih, il était également un poète et un écrivain. Il écrivait des beaux poèmes, il était fort en langue arabe. Et il a appris le fiqh selon le madhhab de l'imam Shafi'i. Abu Tahir al-Silafi ou al-Salafi, je ne sais pas ici parce qu'il n'y a pas le dhabt, mais il dit wa amma Abu Sulayman, il dit en ce qui concerne Abu Sulayman, c'est lui qui a écrit le sharh de Sunan Abi Dawud. Il a écrit un sharh de Sunan Abi Dawud de la musnad de l'imam Abu Dawud. Et dans, il dit si quelqu'un prend le temps de façon raisonnable de regarder et de s'arrêter sur ce qu'il a écrit et de voir comment il a adressé la science, yani comment il a écrit dans ses livres et tout, eh bien il va réaliser que c'est un grand imam et que c'était quelqu'un qui avait une grande intégrité yani dans sa science et dans sa religion. Et il dit parmi les poèmes qu'il a écrit, des beaux poèmes, il dit qu'il y a des vers qu'il a écrits. Et parmi les vers qu'il a écrits, bon, je ne sais pas si je devrais essayer de les lire, mais bon, je vais laisser ça pour d'autres. Le cheikh, il dit ensuite, توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة, c'est-à-dire qu'il est mort en l'an 388 de la Hijra. Donc c'était un des ulama. Et donc il est mort en 388. Il dit wa min mu'allafatihi ma'alim as-sunan, C'est ça le livre qu'il a écrit, qui est explication de Sharh de Sunan Abi Daoud. Et il a écrit également Gharib al-Hadith et Al-Uzla et Sharh Asma'illah al-Husna. Et aussi un autre hadith qui s'appelle Al-Ghunya an al-Kalam. C'est de lui que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah cite maintenant. Al-Ghunya an al-Kalami wa Ahlihi. Il dit وقد خالف السلف وتأول بعض الصفات نحو تأويل صفة الاستواء والنزول والضحك والفرح ويمين الله والأصبع وغير ذلك. Donc il est tombé dans certaines erreurs en ce qui concerne les attributs d'Allah, et il a fait le ta'wil, ou il a interprété certains des attributs d'Allah, comme le fait de s'élever au-dessus du trône, de descendre, la descente, le rire, la joie, la droite d'Allah, le doigt, et ainsi de suite. Donc il a tombé dans cette erreur-là. Sauf que dans la citation que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a choisie, il mentionne ce qui est correct et ce qui est exact à propos de la position des salafs au sujet des sifat, au sujet des attributs. Et donc, Ibn Taymiyyah, il le cite. Et on a expliqué ça déjà dans les cours précédents, que c'est possible que Ibn Taymiyyah, dans ce livre, mentionne des paroles de certains ulama qui eux-mêmes ont des erreurs ou qui sont pas nécessairement 100% sur la voie des salafs. Mais ils utilisent leurs paroles pour faire réfléchir ceux qui sont sur la voie des gens de Kalam, et pour leur faire réfléchir et pour les faire comprendre et pour leur faire voir que parmi leurs imams et parmi ceux qui ont fait des erreurs dans l'aqida wa alaykum salam wa rahmatullah et qui ont fait le ta'wil, eh bien il y en a qui ont affirmé les attributs d'Allah et qui ont critiqué ceux qui les déforment de leur sens, et ainsi de suite. Donc c'est juste pour montrer il y en a qui ont, malgré le fait qu'ils n'étaient pas nécessairement sur la sunna, mais dans les paroles de leurs imams ou dans les paroles des imams des gens qui sont sur la sunna mais qui ont commis des erreurs, il y a la preuve que la voie des salafs, c'est d'affirmer les attributs et de ne pas les déformer de leur sens et de ne pas faire de ressemblance avec le Créateur, et ainsi de suite. Donc il dit ici le Cheikh, et on va lire qu'est-ce qu'il a dit l'imam al-Khattabi. Il dit ومثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين دين الله ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه. Donc on va traduire ça pour commencer. L'imam Al-Khattab Abu Sulayman, Cheikh, il dit dans sa risala qui est très célèbre, qui s'appelle Al-Ghunya an al-Kalami wa Ahlihi. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Ghunya an al-Kalami wa Ahlihi? Al-Ghunya, ça veut dire qu'est-ce qui fait que tu peux te passer d'autre chose? Qu'est-ce qui fait que la chose qui t'empêche d'avoir besoin d'autre chose? Donc Al-Ghunya, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'amène à pouvoir te passer de Al-Kalam. Al-Kalam, c'est quoi? C'est la philosophie. C'est le fait d'utiliser la raison, la logique, pour essayer de comprendre Allah et ses noms et ses attributs. Et ça, c'est quelque chose que les ulama ont considéré comme étant une bid'ah. Al-Kalam ou ilmu al-Kalam, c'est quelque chose que les gens de Ahl al-Sunnah al-Jama'ah considèrent comme étant une innovation et une bid'a et un égarement, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser la logique pour essayer de décrire Allah ou de définir Allah subhanahu wa ta'ala sans se référer à la révélation, d'accord. Et donc l'imam al-Khattab, il a écrit ce livre pour réfuter les gens de Kalam. Donc il dit ensuite en ce qui concerne ce que tu as demandé. Donc il écrit ça pour répondre à une question qu'on lui a posée au sujet des noms et des attributs. Donc il dit, ce que tu as demandé au sujet des attributs et ce qui a été rapporté de ces attributs dans le livre et dans la sunna, c'est-à-dire dans le Coran et dans la sunna, sache que la voie des salafs, c'est de les affirmer et de les laisser tels qu'ils sont dans leur sens apparent. Et certains ont essayé de les nier, de, il dit, certains ont essayé, non, non, il dit, donc c'est de les prendre tels qu'ils sont dans leur sens apparent et de nier le commun. De nier le commun et de nier également la ressemblance. C'est-à-dire, on n'affirme pas le commun parce qu'on ne sait pas comment les attributs d'Allah sont. Et on nie également at-tashbih. C'est-à-dire qu'il y a une ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de sa créature. Donc on dit, il n'y a pas de ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs des créatures. وَقَدْ نَفَاهَا قَوْمٌ. Donc il y a des gens qui ont nié les attributs d'Allah. Et en niant les attributs d'Allah, eh bien, ils ont nié ce que Allah avait affirmé pour lui-même. Et ça, c'est du kufr. Parce que tu n'as pas le droit de nier ce que Allah a affirmé. De même que tu n'as pas le droit d'affirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala, a nié. Et donc, يعني الصفات, نفى الصفات قوم فأبطلوا ما أثبته الله لنفسه ومنها مثل السميع البصير الاستواء. Donc il y en a qui ont nié la vue, l'ouïe, la main, le fait que Allah s'élève au-dessus du trône et ainsi de suite. Donc en niant ça, il nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite, et d'autres ont affirmé les attributs. Parmi les gens qui affirment les attributs, il y en a qui l'ont affirmé, mais ils l'ont affirmé avec exagération et ils sont tombés dans une sorte de tashbih et de taqif, c'est-à-dire ils ont affirmé les attributs mais en faisant des ressemblances entre le créateur et la créature, et ça c'est shirk, yani ça c'est également, ça fait partie de ce qui est interdit. Il dit yani anna qawman nafaha fa'attalu ar-rab an sifatihi wa anna qawman ghalaw fil ithbat hatta shabbahu Allah bi khalqihi wa mathalu wamathaluhu bi ibadihi. وقوله حققها قوم يعني زادوا في الإثبات حتى وصلوا إلى التشبيه. C'est-à-dire ils ont exagéré dans l'affirmation au point de tomber dans l'exagération et dans la ressemblance entre le créateur et la créature et dans le fait de chercher le commun et trouver la description des attributs d'Allah. Et il dit que en réalité pour être sur la bonne voie et le juste milieu dans la façon de suivre, c'est de suivre le chemin droit entre les deux extrêmes. C'est-à-dire de ne pas tomber dans l'exagération de yani, de pas tomber dans l'exagération de faire des ressemblances entre le créateur et la créature et de faire le tashbih, et de ne pas non plus tomber dans l'autre extrême de faire la négation. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Tu fais la négation au point que tu vas nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc tu ne vas pas nier au point de nier yani les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis tu ne vas pas affirmer au point de faire une ressemblance avec entre le créateur et la créature. Donc tu suis le juste milieu entre ces deux extrêmes, et il dit que c'est ça la religion d'Allah et c'est ça la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, entre celui qui exagère et qui rajoute trop, qui veut faire trop, et celui qui est laxiste ou qui est qui fait pas assez ou qui fait pas ce qu'il devrait faire. Cheikh Ibn Baz, il dit à propos de ce point-là, il dit وقد أحسن أبو سليمان رحمه الله قد أحسن أبو سليمان رحمه الله كلام عظيم قال قول أهل السنة فقوم أفرطوا في التنزيه حتى عطلوا كالجهمية والمعتزلة وبعض الآخرين من أتباعهم كالأشاعرة في بعض الصفات وقوم أفرطوا في الإثبات فمثلوا وشبهوا والحق ما قاله أهل السنة وهو الوسط وهو الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. إثبات بريء من التمثيل وتنزيه بريء من التعطيل. وتنزيه بريء من التعطيل. ذلك إمرارها كما جاءت وإثباتها والإيمان بها وأنها حق وأن الله لا شبيه له فيها سبحانه وتعالى. Donc, Cheikh Ibn Baz, il dit que l'imam Abu Sulaiman, Cheikh Abu Sulaiman, rahimahullah, al-Khattabi, il a dit une parole, hein, une très grande parole, une très bonne parole. C'est la parole d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. C'est la parole d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Il dit qu'il y a des gens qui ont exagéré dans le fait de vouloir purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection et de toute ressemblance entre le créateur et la créature au point de tomber dans la négation des attributs d'Allah. Et ça, c'est les Jahmiyyah et les Mu'tazila. Et c'est également certains d'entre ceux qui les ont suivis comme les Asha'ira. Et ces gens-là, ils ont nié certains attributs, hein, les Asha'ira. Il dit que tandis que d'autres ont exagéré dans l'autre extrême, c'est-à-dire ils ont exagéré dans l'affirmation des attributs d'Allah, au point de tomber dans At-Tamthil et At-Tashbih, c'est-à-dire de faire ressembler et de comparer le Créateur et la créature et de faire ressembler le Créateur et la créature. Et le Cheikh il dit ensuite وَالْحَقُّ كَمَا قَالَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Il dit la vérité c'est comme l'a dit les gens de la Sunna, c'est-à-dire de prendre le juste milieu entre ces deux extrêmes et d'affirmer sans faire de ressemblance et de nier, hein, ou de purifier Allah subhanahu wa ta'ala sans faire de négation. Et donc c'est une affirmation des attributs et des noms d'Allah, hein, sans ressemblance entre le créateur et la créature, ou une affirmation des attributs et des noms d'Allah qui est innocente de toute forme de ressemblance, de tentative de faire ressembler le créateur et la créature. Et c'est une purification, ou disons le fait de purifier Allah et de l'exempter de toute forme d'imperfection et de défaut, hein? Donc s'il y a quelque chose qui est une imperfection ou un défaut, tu le nies à Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans tomber dans la négation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh il dit وَكَذَلِكَ إِمْرَارُهَا كَمَا جَعَتْ. C'est-à-dire, de même que les gens de la Sunna, ils laissent les textes des attributs tels qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de les interpréter ou de déformer leur sens, de les interpréter en essayant de savoir le comment de ces attributs-là ou des choses de ce genre. Mais c'est de les affirmer tels quels et d'y croire tels qu'ils sont et de croire que ce qui est mentionné dans ces textes-là c'est la vérité à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de comparable, il n'y a rien de comparable à lui, il n'a pas de ressemblant. Et il y a deux questions qui ont été posées. La première question c'est السؤال يعني الخطابي على مذهب أهل السنة في الصفات في باب الصفات أليس عنده تأويلات. Donc c'est une question qui a été posée à propos de Al-Khattabi. Ils disent est-ce qu'il est sur la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a dans la question des attributs, ne fait-il pas partie de ceux qui ont des ta'wilat, c'est-à-dire qui ont déformé ou faussement interprété certains attributs d'Allah en les déformant de leur sens réel. Et Cheikh Ibn Baz il répond, il dit فأجاب سماحته قد يقع بعض الناس في تأويل قد يقع ولكن هذا الكلام كلام طيب رحمه الله. Donc il dit c'est possible que certaines personnes commettent des erreurs de ta'wil, c'est possible que quelqu'un tombe dans ça, mais cette parole là c'est une bonne parole, que Allah lui fasse miséricorde, رحمه الله. Et certains des gens de bid'a à notre époque, comme les Qutbiya et les Sururiya et d'autres également, yani, il voit par exemple les réfutations que des ulama ont écrit à notre époque contre des égarés ou des gens de bid'a comme Sayyid Qutb par exemple. Et Sayyid Qutb dans son tafsir dans ce qu'il a appelé tafsir Dhilal al-Qur'an, à l'ombre du Coran, dans ce tafsir là il y a beaucoup de déformations des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple il interprète le fait que Allah s'est élevé au-dessus du trône, lui il l'interprète en disant que ça veut dire al-haymana, hein? Donc il dit, c'est-à-dire que Allah a conquis le trône ou a pris le pouvoir du trône, et on sait que c'est pas ça la signification de al-istiwa, mais que al-istiwa ça veut dire de s'élever au-dessus du trône, hein? Donc les ulama ont réfuté ces qutub, et certains parmi les gens de bid'a ont dit, comment ça se fait que certains ulama de Ahl al-Sunnah que vous respectez, que vous aimez, comme par exemple l'imam al-Nawawi ou l'imam Ibn Hajar al-Asqalani ou l'imam al-Khattabi ont fait des formes de ta'wilat eux aussi, et vous ne dites pas à propos d'eux que ce sont des égarés ou que ce sont des gens de bid'a ou des choses de ce genre. Donc pourquoi vous faites une différence entre Sayyid Qutb et certains d'entre eux, les grands savants, et vous ne dites pas à propos d'eux que ce sont des égarés comme Sayyid Qutb, hein? Et ça c'est une shubha qu'on entend souvent de leur part, et la réponse à ça c'est que il y a une très grande différence entre les ulama de Ahl al-Sunnah wal Jama'a qui ont fait des erreurs, soit parce qu'ils ont fait le taqlid, des gens qui ont suivi aveuglément leur shuyukh ou certains de leurs shuyukh qui avaient des erreurs dans le sifat, mais ils les ont suivis à cause de ça, ou bien qui ont mal compris certaines questions et qui ont fait des erreurs dans certaines de ces questions-là, mais que c'était pas leur manhaj ou leur aqida de façon générale, mais c'était juste une erreur d'ijtihad qu'ils ont fait dans ces questions-là. Et ainsi tu regardes ça, ça c'est d'un côté, tandis que Sayyid Qutb lui c'est pas un alim, c'est pas un savant de l'islam, c'est un jahil, hein? Et il n'a pas fait des erreurs seulement dans l'interprétation de certaines des attributs d'Allah, il a fait des erreurs dans beaucoup d'autres questions et beaucoup d'autres points de l'aqida qui sont très très graves et très dangereux dans la religion, hein? Naam. Sayyid Qutb, Sayyid Qutb, il est égyptien d'origine. Naam. Naam. Donc, Sayyid Qutb, c'était un homme qui était un écrivain. Hein. C'était un journaliste, un écrivain. C'est pas quelqu'un qui a étudié la science islamique ou la aqida. Hein. Il a voulu écrire son livre, Fizida al-Qur'an. Les gens l'appellent tafsir, mais en réalité, c'est pas un tafsir. Ça, en réalité, c'est un livre dans lequel il a déversé toutes ses idées, ses opinions, et interprété le Coran à sa guise, hein, selon les idéologies de l'époque ou de notre siècle, pour essayer d'interpréter la religion d'une manière en accord avec les idéologies des koufars d'aujourd'hui, les socialistes et d'autres. Hein. Donc, tu ne peux pas comparer nos grands ulama d'Ahl al-Sunnah qui ont rempli leurs livres de hadith, de versets de Coran, des paroles des ulama d'Ahl al-Sunnah et qui ont passé leur vie à étudier la science au pied des ulama, et un individu comme Sayyid Qutb qui à des moments de sa vie même était dans l'athéisme ou dans le doute à propos de l'islam, et qui a vécu une grande partie de sa vie dans l'égarement, qui par la suite est rentré avec les frères musulmans et qui a fait toutes sortes de choses qui sont en contradiction avec l'islam, sans parler qu'il a insulté les sahaba et qu'il a critiqué Uthman ibn Affan et son khilafa. Il l'a même complètement annulé, hein. Il a dit le khilafa de Uthman ça c'est un trou entre les khulafa rachidin. Il a accusé certains sahaba d'être des hypocrites et des munafiqin, hein. Et donc il y a certains ulama qui ont écrit des réfutations sur lui et pour réfuter ses erreurs dans ses livres. Et parmi les ulama qui ont fait le plus grand effort dans cette question-là et dans cette réfutation de Sayyid Qutb, il y a le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali à notre époque. Et à cause de ça, yani, beaucoup de gens le détestent. Parce qu'il a réussi à démasquer, dévoiler tous les égarements de cet homme. Que beaucoup de personnes parmi les gens qui se disaient faisant partie de Ahl Sunna essayaient de défendre et de protéger ou de mettre de l'avant. C'était rendu à un point tel que même des fois quand on parlait de ces kutub, certains le citaient en disant l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab et Sayyid Qutb. Hein? Donc quand tu vois que des gens vont classer Sayyid Qutb au même degré que ces grands hommes, eh bien là tu vois qu'il y a un problème. Ils ont essayé de l'élever au niveau des grands imams de l'islam, alors que c'est un ignorant, un jahil, quelqu'un qui était avec les rafidah, mélangé avec les rafidah, mélangé avec les soufis. Dans son tafsir, on trouve wahdatul wujud, c'est-à-dire la croyance en wahdatul wujud, c'est-à-dire que la croyance qui dit qu'on ne fait pas de distinction entre le créateur et la créature. Toutes sont pas, le créateur et la créature, c'est une seule et même chose. Et ça, c'est dans son tafsir de يعني, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, la surah, à la fin du Coran, dans surah Al-Ikhlas. Et aussi dans d'autres surahs aussi, on retrouve cette même idéologie. Donc, il n'y a pas de comparaison possible. Hein, Qutb, quand tu lis ses paroles et quand tu vois ses erreurs, tu vois que c'est des erreurs qui s'approchent. Il y en a de l'hérésie, hein, et des paroles de zanadiqa, et non pas des erreurs d'ijtihad comme les erreurs qu'on retrouve chez certains savants de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Donc il n'y a pas de comparaison à faire entre l'imam al-Nawawi, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani et l'imam al-Khattabi ou d'autres, rahimahumullah, et Sayyid Qutb qui était un égaré et quelqu'un qui a jusqu'à aujourd'hui des livres d'égarement qui sont propagés. Donc ça ne se compare pas. Naam. Mais maintenant qu'on a dit ça, on continue inshallah avec la parole de l'imam al-Khattabi. Il dit ensuite وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصِّفَاتِ فَرْعٌ عَنِ الْكَلَامِ فِي الذَّاتِ يُحْتَذَى فِي ذَلِكَ حَذْوُهُ وَأَمْثَالُهُ فَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. Donc ici l'imam al-Khattabi, le Cheikh al-Khattabi, il explique, il dit que la base au sujet des attributs d'Allah, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Qu'on ne doit pas exagérer dans l'affirmation et de faire des ressemblances avec Allah. Et on ne doit pas non plus exagérer dans la purification ou dans la négation au point de nier les attributs d'Allah. Et il dit que de parler à propos des attributs, c'est une partie de ce qu'on doit, de ce qu'on dit à propos de l'être d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, quand tu veux parler des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu parlais d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, de son être. Donc si tu ne peux pas dire quelque chose à propos de l'être d'Allah, eh bien tu n'as pas le droit non plus de le dire à propos de ses attributs. Ok? Et il dit que c'est la même chose. Al-qawlu fi sifat qal-qawlu fi dhat yahzu hazwa. Ça c'est une règle, parmi les règles de Ahl Sunnah wal Jama'ah, au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par exemple, tu vas dire comment est la main d'Allah? Tu ne peux pas dire ça parce que personne n'a vu la main d'Allah et Allah ne nous a pas dit comment elle était. Donc est-ce que tu as le droit de dire comment est Allah? Si tu n'as pas le droit de dire comment est Allah, alors tu n'as pas le droit de dire comment est sa main. D'accord? Et donc c'est la même chose comme ça à propos des, ce que tu ne peux pas dire à propos des attributs, tu ne peux pas le dire à propos, ce que tu ne peux pas dire à propos de l'être d'Allah, tu ne peux pas le dire à propos des attributs. Et donc la parole au sujet des attributs, c'est la même que la parole au sujet de l'être. Et ça se suit comme ça. C'est des choses qui, ça se suit, c'est tel quel. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ça. Donc il dit فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه وتعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية وتكييف. C'est-à-dire que quand tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu parles de lui en affirmant son existence, pas en demandant comment il est. Et la même chose donc à propos de ses attributs. Quand tu parles des attributs, tu en parles pour affirmer leur existence et non pas pour demander comment elles sont ces attributs-là. Donc c'est la même chose, qu'est-ce que tu dis à propos de l'être, c'est la même chose que qu'est-ce que tu dis à propos des attributs. Et donc, c'est ça. فَكَمَا أَنَّ لِلَّهِ ذَاتًا لَا تُشْبِهُ الذَّوَاتِ فَلَهُ صِفَاتٌ لَا تُشْبِهُ الصِّفَاتِ. Donc, la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un être, ou c'est un être qui ne ressemble pas aux autres êtres, eh bien, il a des attributs qui ne ressemblent pas aux autres attributs. D'accord, c'est ça la règle. Donc il dit فَإِذَا قُلْنَا يَدٌ وَبَصَرٌ يَدٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ وَمَا أَشْبَهَهَا فَإِنَّمَا هِيَ صِفَاتٌ أَثْبَتَهَا اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَلَسْنَا نَقُولُ إِنَّ مَعْنَى الْيَدِ الْقُوَّةُ أَوْ النِّعْمَةُ وَلَا مَعْنَى السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعِلْمِ وَلَا مَعْنَى السَّمْعِ وَالْبَصَرِ الْعِلْمِ ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل ونقول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات انتهى كلامه هذا كله كلام الخطابي. Donc il dit, donc si on dit la main, l'ouïe et la vue et ce qui ressemble à ces attributs là, eh bien ce sont des attributs que Allah s'est affirmé à lui-même. Et il dit on ne doit pas dire la signification de la main c'est la force ou la signification de la main c'est la grâce. Non, on n'interprète pas les attributs d'Allah de cette manière. La main, c'est la main. Hein? Et on ne dit pas que c'est la force ou la grâce. Et déjà, comme on avait mentionné déjà dans les autres cours, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple, il dit à Iblis, « Ma na'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayi. » Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner à ce que j'ai créé avec mes deux mains? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux forces? Non. Donc si tu dis que la main, c'est la force, donc ça veut dire que tu dis ici qu'il a créé Adam avec ses deux forces. C'est quoi ça? Hein? Ça fait pas de sens. De même que ses deux grâces, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux grâces? Non. Donc tu vois que les interprétations des gens de Bid'a et les déformations qu'ils inventent, ils ne peuvent pas s'appliquer à tous les versets. Ils peuvent s'appliquer dans un verset, mais dans l'autre ça tient pas. Donc ça c'est la preuve que leur déformation du sens des attributs d'Allah c'est une voie qui est innovée. Il dit la même chose pour l'ouïe et la vue. L'ouïe et la vue c'est pas al-ilm. Eux les gens de Bid'a disent quand Allah dit qu'il voit ou quand il dit qu'il entend ça veut dire sa science. Non, la science c'est la science, l'ouïe c'est l'ouïe et la vue c'est la vue. Hein? Donc, c'est comme ça qu'ils font des différentes formes de ta'wil. La même chose quand ils disent, par exemple, les gens de Bid'a, ils disent, quand Allah dit qu'il est satisfait ou qu'il est en colère ou des choses comme ça, ça veut dire la volonté d'Allah. Oui, ils interprètent des attributs par d'autres, sans aucune preuve. Alors, tout ça, c'est rejeté, yani. وَهَذَا قَوْلُ الْمُعَطِّلَةِ أي الذين قالوا إن اليد معناها القوة أو القدرة وبعضهم فسرها بالنعمة وكلها تفسيرات باطلة تفسد المعنى فلا يمكن أن يكون معنى قوله لما خلقت بيدي أي قوتي بقوتي أو بقدرتي لأن هذا التفسير يعود إلى المعنى بالإبطال فلا شك في فساده ومن هؤلاء المعطلة من يفسر السمع والبصر بالعلم فمعنى أنه السميع وبصير أنه عالم ويسمع ويبصر يعني يعلم فيرجعونها إلى الصفات التي يثبتونها. Donc c'est ça. Ils déforment les attributs, puis parfois, quand ils ne veulent pas affirmer un attribut, ils les interprètent par une autre. Et en essence, c'est une déformation. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il avait voulu dire qu'il a la science, il n'aurait pas dit Sami' Basir. Il aurait dit Al-Ilm. Il a mentionné le ilm. Hein? Et il dit également Wala naqul jawarih, innaha jawarih. C'est-à-dire, et on ne dit pas que ce sont des membres. Hein? Il dit, et on ne dit pas, ce sont des membres. Et on ne les fait pas ressembler aux mains, aux ouïes et à la vue, yani, qui existe chez les créatures et qui sont faites, composées de membres, yani, pour faire des moyens ou des outils pour faire une action. Yani, là, on a dit, « إنها جوارح لأن هذا من إطلاقات أهل البدع » وهم يتوسلون بذلك إلى نفي يد الله فيقولون إثبات يد إثبات يد حقيقة لله يقتضي أن تكون جارحة ثم قالوا إذا كانت جارحة فلا تصلح لله لأن الجارحة هي التي يكتسب بها الإنسان والله لا يكتسب شيئا يعني Ça, c'est des interprétations qu'ils font. Ils disent, tu ne dois pas affirmer la main, parce que la main, c'est un membre. Et si tu affirmes que Allah a un membre, eh bien, ça veut dire que tu fais ressembler Allah à sa création, ou bien que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a besoin des membres, ou des choses comme ça. Et nous, on ne dit pas membre, et on n'utilise pas ce terme-là, parce que ça ne fait pas partie des termes qui sont révélés dans la révélation. Ce que Allah a affirmé, on l'affirme. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié, on le nie. Mais ce qu'il n'a pas mentionné du tout, on s'abstient d'en parler. Et on ne le dit pas. Ni à l'affirmative, ni à la négative. Et on affirme que ce qui est mentionné dans les textes. Hein? Et donc, s'ils disent ici, on n'affirme pas la main parce que c'est des membres, nous on dit, nous on affirme la main parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a affirmé. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit, donc c'est la vérité. Et on ne rentre pas plus dans les détails que ça. Parce qu'il y en a qui disent, si tu affirmes que Allah parle, ça veut dire qu'il a une bouche, des lèvres, des dents, une langue, un palais, des cordes vocales, une gorge et tout ça. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné rien de ça. Donc nous, on ne parle pas à propos d'Allah, excepté avec science. Et on affirme à Allah uniquement que ce que Allah a dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, de rentrer dans ces détails-là, ça c'est l'exemple des gens de Bid'ah. Et c'est ça l'attitude des philosophes et des gens de Kalam. Ils parlent à propos d'Allah sans respect, premièrement, et sans avoir de référence de la révélation, et en se basant juste sur leur logique ou leur raison. Et tout ça dans le but de nier ce que Allah a dit. Dans le but de nier ce que Allah a dit. Donc si Allah il a dit qu'il a une parole, toi commence pas à essayer d'imaginer comment il parle, hein, et comment il fait pour parler. Ça c'est des choses, Allah il l'a pas dit, tu rentres dans quelque chose que tu peux même pas comprendre. Donc affirme ce qu'Allah a affirmé et arrête-toi à ce point-là. Et ensuite il dit « Wala nushbihuha bil asma' wal absar, ay absar al makhluqin wa asma'ihim » التي هي جوارح للفعل بل لله سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله وعظمته لا يماثل أحدا من خلقه كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهل تعلم له سمية كذا لا يقال إن الله جسم أو ليس بجسم ولا يقال لله جوارح أو ليس له جوارح وكذلك وكذا ألفاظ مثل الحد والحيز والجهة وكل هذه لا تطلق على الله نفيا ولا إثباتا لأن ما لم يرد في النصوص لا نفيا ولا إثباتا فلا نثبته ولا ننفيه ومن أطلقها نفيا أو إثباتا يستفسر عن مراده منها فإن أراد منها حقا قبلناه ورددنا اللفظ وإن أراد منها باطلا رددنا اللفظ والمعنى معا Donc ça c'est la règle d'Ahl al-Sunnah et ça cette règle vous devez la connaître comme il faut et bien la comprendre et si vous la connaissez que vous la comprenez comme il faut après ça vous allez être soulagé et protégé contre plein d'égarements et plein de problèmes dans la compréhension des noms et des attributs d'Allah. Donc ici il dit le cheikh, on ne fait pas ressembler les l'ouïe et la vue des créatures avec celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que l'ouïe et la vue chez les créatures, ce sont à la base par des outils ou par des membres, hein, par les oreilles ou par les yeux, d'accord. Tandis que pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, nous on dit ce que Allah a dit à propos de ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a des yeux, on dit qu'il a des yeux. Il a dit qu'il a une ouïe, on dit qu'il a une ouïe. Hein? Il a dit qu'il a la vue, il est al-basir, on dit qu'il est al-basir. Il est al-sami', on dit qu'il est al-sami'. Hein? Et on s'arrête là. Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs qui conviennent à sa grandeur et à sa majesté et à sa perfection. Et personne de ces créatures ne sont comparables avec lui. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est l'audient et le voyant. Et il dit dans un autre verset, qui est le verset 65 dans Surat Maryam, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّةً. C'est-à-dire, est-ce que tu lui connais un sami, un égal, hein, une comparaison, quelqu'un qui serait comparable à lui, hein? Donc il dit, donc, de la même manière qu'on ne dit pas, yani, on ne fait pas ressembler Allah à sa création, on ne parle pas à propos d'Allah sauf en utilisant le vocabulaire et les termes qui ont été employés dans la révélation. Si ce sont des mots et des termes et des qualificatifs qui ont été employés par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Coran ou par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna authentique, dans ce cas-là on peut l'employer nous aussi. Et dans ce cas-là, on peut l'utiliser tel qu'il a été utilisé dans la révélation. Mais si ce sont des termes qui n'ont pas été employés par Allah subhanahu wa ta'ala ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna authentique, dans ce cas-là, on s'abstient. On s'arrête. On ne va pas dire oui, on ne va pas dire non. On ne va pas l'affirmer, on ne va pas le nier. Hein, vous comprenez la règle? Si Allah a affirmé, ou le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé, qu'est-ce qu'on fait? Tous ensemble. On affirme. Si Allah a nié et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou si Allah a nié ou le messager a nié, qu'est-ce qu'on fait? On nie. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni nié, ni affirmé, d'un que le messager, qu'est-ce qu'on fait? Ni affirmé, on s'arrête. On ne dit rien, d'accord? Et donc c'est ça. Donc les gens de Bid'a, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment ramener des mots ou des termes qui n'ont pas été ramenés dans la charia, qui n'existent pas dans le Coran et dans la sunna, pour que là, ils puissent entrer dans la philosophie. Te faire rentrer dans la philosophie. Parce que du moment qu'ils t'amènent des termes qui n'ont pas été révélés, et qui ne sont pas mentionnés dans la révélation, ça veut dire que leur signification peuvent avoir, ces mots-là peuvent avoir plusieurs significations. Des significations qui sont peut-être parfois vraies, ou des significations qui sont parfois fausses, selon la façon dont tu les interprètes et selon la signification que tu leur donnes. D'accord? Donc, les gens de Bid'a, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment l'ambiguïté. Ils aiment l'ambiguïté, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas claires, les choses que tu peux jouer avec. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit ça dans le Coran, dans surat Al-Imran, le verset 7, il dit, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Et il dit, وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Donc les gens de Bid'a, c'est ça qu'ils cherchent, les versets qui sont équivoques et qui peuvent avoir plusieurs sens et qui sont ambigus, hein, qui peuvent avoir plusieurs significations. Eux, ils cherchent ça par exprès. Ils ne vont pas aller vers qu'est-ce qui est muhkam, qu'est-ce qui est clair, hein, qu'est-ce qui est révélé. Non, parce qu'avec ça, ils ne peuvent pas jouer. Hein, ils n'ont pas de marge, hein, pour philosopher avec. Alors, ils vont vers qu'est-ce qui peut être interprété. Et donc là, ici, dans les noms et les attributs d'Allah, ils vont ramener des termes. Comme tu vas entendre souvent des ahbash qui disent Allah subhanahu wa ta'ala, laysa lahu makan. Hein? Allah n'a pas d'espace. ou Allah n'a pas de lieu, ou Allah n'a pas d'endroit. Alors toi tu dis quoi par rapport à ça? Est-ce que Allah dans le Coran il dit qu'il a un lieu, ou qu'il n'a pas un lieu, ou un espace, ou qu'il n'a pas d'espace, ou qu'il a un endroit, ou qu'il n'a pas d'endroit? Est-ce que ça c'est mentionné dans le Coran ou dans la Sunna? Le mot lui-même, makan, est-ce qu'il est mentionné dans le Coran? Soit en affirmation ou soit en négation, dans le Coran ou dans la Sunna authentique. Est-ce qu'il est rapporté? Non, nulle part. Tu trouves ça nulle part. Et la première chose que tu peux lui dire à lui, c'est justement, tu lui dis, où est-ce que tu as vu dans le Coran ou dans la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah ou que le messager ont dit qu'il a parlé du makan en se décrivant? Et il ne pourra pas mentionner rien avec ce terme-là. Et là, peut-être, il va dire, il va essayer de philosopher. Parce qu'il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de ayah dans le Coran à ce sujet-là. Donc, nous, on dit quoi? On va lui dire, nous, on n'affirme pas et on nie pas al-makan. Parce que ça, ça ne fait pas partie de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Et Allah n'en a pas parlé. Et c'est la même chose pour le terme jism. Hein, le corps. Eux, ils disent, vous, vous êtes des mujassima. Vous, les gens de la sunna, hein, les salafis, vous êtes des mujassima. Parce que vous attribuez à Allah un corps en disant qu'il a, en disant qu'il est au-dessus de son trône, ou en disant qu'il est, qu'il a une main, ou qu'il a des yeux. Vous êtes des mujassima. Vous donnez à Dieu un corps. Nous, on lui dit, est-ce que tu as lu dans le Coran, ou dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a affirmé le corps? Ou qu'il a nié le corps? Nulle part dans le Coran ni dans la Sunna tu vas trouver que Allah a affirmé qu'il a un corps ou qu'il a nié avoir un corps. Donc on ne l'affirme pas et on ne le nie pas, parce que ça c'est des termes qui sont mubtada, c'est des termes qui sont innovés. On n'a pas le droit de dire ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour le terme jawarih, des membres. Hein? Est-ce que Allah a des membres ou est-ce qu'il n'a pas de membres? Et donc, ils vont philosopher avec ça. Donc, si tu dis, moi je crois que Allah il a une main, parce qu'il a affirmé dans le Coran, il a dit qu'il a une main. Là, ils vont dire, ah mais ça veut dire que tu dis qu'Allah a des membres. Hein? Donc, tu fais le tashbih, tu compares Allah à la créature et tu dis, Allah il a pas dit qu'il a un membre, il a pas nié qu'il a un membre. Nous, on s'arrête là, ou à qu'est-ce que Allah a dit. Et la même chose pour al-hayz. Al-hayz, ça veut dire la limite. Ou al-had, al-had ou al-hayz, et al-jiha. Parfois tu vas entendre les termes, le terme jiha, ça veut dire une direction. Hein? Le haut, le bas, la gauche, à droite, en haut, en bas, en avant, en arrière. Tout ça, c'est ce qu'on appelle al-jihad. Et eux, ils nient toutes les jihads. Ils disent Allah n'a pas de jiha. C'est-à-dire il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière, il n'est pas à l'intérieur du monde et il n'est pas à l'extérieur du monde. Donc ça veut dire, pour ces gens-là, Allah n'existe pas. C'est ça la réalité, tu vois. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis, Allah, c'est pour ça qu'une fois il y avait un débat entre un de ces gens-là parmi les Jahmiyyah, puis un des gens de Ahl al-Sunnah. Et il y avait un amir qui était là, qui écoutait le débat entre les deux. Et le salafi, le sunni, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, fauq. Et l'autre, il a dit, regarde Amir, il a attribué à Allah al-jiha, hein, la direction. Il a dit qu'il était en haut. Et l'Amir lui-même, qui n'est pas un alim, mais qui a répondu à ce jahmi, il a dit, subhanallah, même Allah dans le Coran, il dit qu'il est au-dessus. Hein, قل هو القاهر فوق عباده. C'est-à-dire Allah est au-dessus de sa création. Donc ça c'est parmi les preuves que Allah est au-dessus. Donc d'affirmer ça, c'est pas d'affirmer une jihad, c'est d'affirmer qu'est-ce que Allah a affirmé dans la révélation. Et on s'arrête à ça. La même chose pour al-had, al-hayz et tous ces termes-là, c'est la même chose. Et après il dit tout ça, on n'a pas le droit ni de l'affirmer ni de le nier. Tant que c'est une chose qui n'a pas été mentionnée dans les textes, ni à la négative, ni à l'affirmative. Et donc, on ne l'affirme pas et on ne le nie pas. Et celui qui utilise ce genre de termes, comme par exemple qui va dire par exemple al-makan, l'espace ou l'endroit. Celui qui utilise ce genre de terme, on va lui demander d'expliquer ce qu'il veut dire par ce terme. Si la signification de ce qu'il veut dire est vraie, on l'accepte, mais on rejette l'expression elle-même ou le terme. C'est-à-dire, on lui demande, qu'est-ce que tu veux dire par makan? Toi, quand tu dis que Allah est dans un endroit, tu veux dire quoi? Si il dit, je dis que Allah est au-dessus de son trône, ça veut dire qu'il est au-dessus de son trône, ou ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est séparé de sa création. Si, tu dis, si c'est ça que tu veux dire, ça c'est en accord avec ce qui est révélé dans le Coran, dans ce cas-là, ça c'est une signification qui est vraie. Mais en ce qui concerne le terme makan, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas révélé dans le Coran et dans la Sunna. Donc la signification que tu as mentionnée est bonne, mais le terme que tu as employé est faux et tu n'as pas le droit de l'employer. Mais s'il l'interprète par quelque chose d'autre qui est une signification fausse, dans ce cas-là, non seulement on va rejeter le terme lui-même, mais on va rejeter aussi la signification fausse qu'il a ramenée. Comme par exemple s'il dit que al-makan, ça veut dire un espace qui est créé, hein, ou un endroit créé par Allah. Hein, quand ils disent Allah fi makan, yani fi makan in makhluq, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala muhit min khalqihi, ou bi khalqihi, hadha batil. هذا المعنى باطل مخالف لما في الكتاب والسنة فننفيه hein, on le nie parce que c'est une signification qui est fausse et on renie le terme aussi parce que c'est une bid'a, c'est une innovation. C'est comme quand l'homme qui est venu voir l'imam Malik et qui lui a dit يعني الرحمن على العرش استوى كيف استوى. Il a dit, comment Allah est sur le trône? Comment il s'est élevé sur le trône? Et l'imam Malik lui a dit, وَالسُّؤَلُ عَنْهُ بِدْعَ. Il a dit à la fin, الْإِمَانُ بِهِ وَاجِبْ. De croire en ça, c'est obligatoire. Et de poser la question à ce sujet-là, c'est bid'a. Donc de parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant des termes qui ne sont pas dans la révélation, eh bien ça fait partie des bid'a. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, souvent il mentionne que ça, c'est des termes qui sont mujmal. هذه من المجملات. C'est parce que comme le terme makan, tu peux l'interpréter par une signification qui peut être acceptable, comme tu peux l'interpréter par une signification qui est fausse. Et donc dans ce cas-là, on va pas l'employer du tout. Hein? Et c'est pourquoi? Parce que c'est mujmal. Et les termes qu'on emploie à propos d'Allah, quand on veut parler à propos d'Allah ou de la religion d'Allah, ça peut être uniquement des termes qui sont clairs et qui n'implique pas une signification vraie et fausse en même temps. Hein, la même chose pour, par exemple, quand les kuffars, par exemple, ils vont parler de l'islam ou des musulmans. Ils vont parfois utiliser des termes pour décrire un musulman qui peuvent impliquer quelque chose qui est en accord avec l'islam ou quelque chose qui est en contradiction avec l'islam. Et ils l'utilisent de manière, disons, ambiguë. Pour que les gens soient confus, puis ils utilisent ces termes-là au lieu d'utiliser les termes qui sont dans le Coran et dans la Sunna ou utilisés par les musulmans eux-mêmes. Comme par exemple de dire à propos d'un musulman que c'est un intégriste ou de dire à propos d'un musulman que c'est un islamiste. Et ils ne définissent pas qu'est-ce que c'est en détail. Mais ils vont dire à propos de quelqu'un qui a fait un attentat terroriste, c'est un islamiste. Puis ils vont dire à propos de quelqu'un qui a la barbe, c'est un islamiste. Et ils vont dire à propos de quelqu'un qui fait la prière, c'est un islamiste en même temps. Donc ça veut dire qu'ils utilisent le terme pour décrire et définir des choses qui sont en accord avec l'islam et des choses qui sont en contradiction avec l'islam en même temps. Donc ça devient quelque chose d'ambigu. Ça veut dire, ça devient quelque chose d'équivoque. Et ils jouent avec ça justement pour confondre les gens, pour mélanger les gens et pour essayer de justement manipuler la pensée des gens. Donc on n'a pas le droit d'utiliser ces termes qui sont ambigus. Au contraire, dans l'islam, on est supposé d'employer des termes qui sont clairs et explicites. Et c'est une règle même chez les gens de bid'a. De façon générale, ils n'aiment pas parler avec des termes clairs. Et c'est ça qu'on a vu, même certains ils ont accusé Tariq Ramadan d'avoir un double langage. Ils disaient à chaque fois, ils disaient, ah lui il a un double langage. En réalité c'est pas ça, c'est qu'il utilise la même méthode que les gens de Bid'a, que les gens de Kalam. Ils utilisent des termes qui peuvent vouloir dire quelque chose pour quelqu'un et quelque chose d'autre, son contraire pour d'autres. Et ils, de cette façon-là, en restant toujours vague, et ambigu, eh bien, il réussit à se faire accepter par tout le monde, parmi ceux qui n'ont pas justement de connaissance de l'islam. Hein? Tandis que si tu lui demandes de préciser, de clarifier qu'est-ce que tu veux dire par ce terme, eh bien là, il est obligé d'expliquer, soit que ce soit quelque chose qui va être en accord avec l'islam, donc dans ce cas-là, c'est la preuve qu'il contredit l'islam, ou que c'est quelque chose qui est en accord avec l'islam, et là, il va se faire critiquer par l'autre. L'autre, par ses opposants ou par les autres, ceux qui opposent l'islam, ils vont le critiquer d'avoir affirmé quelque chose qui est correct. Donc, il veut rester toujours entre les deux. Et donc, il utilise cette ruse-là aussi. Allah al-Musta'an. Et ça, on a vu ça aussi, la même chose chez tous les gens de Bid'a en général. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Le Cheikh, il dit donc, وَنَقُولْ إِنَّمَا وَجَبَ إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ لأن التوقف التوقف ورد بها. Donc on doit uniquement affirmer les attributs et s'arrêter à qu'est-ce qui est révélé, hein, التوقف. Et il est obligatoire de nier toute forme de ressemblance entre le créateur et la créature, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que rien ne lui ressemble. Et c'est sur cette voie-là que la parole des salafs a été rapportée, hein, c'est cette voie-là que les salafs ont rapporté au sujet des hadiths qui parlent des attributs d'Allah. Et ça, c'est la fin de la citation de l'imam Al-Khattabi. Hein? Et ça, tout ça, c'est sa parole. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Ibn Baz, ici? Est-ce qu'il a un commentaire à propos de ça? Hein? Non, il n'a pas dit, de commentaire ici. Et il y avait un commentaire de Cheikh Saleh Al-Sheikh. Cheikh Saleh al-Sheikh, il explique, il dit, Hada kalam al-Khattabi aslun. C'est une base. Cette parole de l'imam al-Khattabi, Cheikh Saleh al-Sheikh, il dit, ça c'est une base dans la aqida. Et il dit, wa'tamadahu Cheikh al-Islam fi tadmuriya fi ahad al-qawa'id anna al-kalamu ala al-sifat kal-kalamu ala al-dhat yuhtadha fihi hazwahu. ونهج فيه على مثاله ومنواله أو وينهج فيه على مثاله ومنواله. Donc il dit que ça c'est une règle même que Cheikh l'Islam a employée et il a confirmé dans son livre At-Tadmouriya. At-Tadmouriya c'est un autre livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui explique les règles de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet des noms et des attributs. Hein? Donc une partie il parle des noms et des attributs et l'autre partie il parle de Ash-Shar' ou Al-Qadar. Il y a une partie du livre qui parle des noms et des attributs et l'autre partie qui parle de la Sharia et du Qadar. Et il réfute les gens de Bid'a dans ce livre-là. C'est un de ses grands livres, At-Tadmouriya. Et souvent les ulama ils expliquent ou ils disent aux gens de commencer par les livres de Tawhid, Al-Qawa'id Al-Usul Al-Thalatha, Al-Qawa'id Al-Arba'a, كشف الشبهات كتاب التوحيد après العقيدة الواسطية après الفتوى الحموية et après التدمورية. Donc ça c'est pour dire dans les degrés comment les ulama ils classent l'ordre dans l'étude des livres de l'aqida. Donc c'est pour dire que التدمورية c'est un autre livre et il dit que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah s'est basé sur cette règle que l'imam Al-Khattabi a citée pour clarifier justement une question par rapport aux attributs. Et c'est-à-dire que ce que tu dis à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose que ce que tu dis à propos de ses attributs. Il dit « وَالْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ وَلَكِنْ لَهُ بَعْدَ التَّأْوِيلَاتِ رَحِمَهُ اللَّهِ وَلَهُ اجْتِهَادٌ فِي ذَلِكِ وهو معذور في هذا رحمه الله فهو من أئمة الدين والعلماء الربانيين ألف في التوحيد والصفات وألف في السنة وله مؤلفات متنوعة في نصرة علوم الكتاب والسنة. Donc il dit que l'imam al-Khattabi رحمه الله en général il est sur la voie des salafs en général, il est sur la voie des salafs. Mais il a commis l'erreur de faire certaines formes de ta'wilat. Dans certains attributs, il a fait des erreurs, il a déformé le sens des attributs. Et donc, il a fait ça en cherchant la vérité, en essayant de trouver la vérité dans ces questions-là, il s'est trompé. Donc, il est excusé d'avoir fait ces erreurs-là, rahimahullah. Malgré tout, il fait partie des imams de la religion et des grands ulama rabbaniyin, et il a écrit sur le tawhid et sur les attributs d'Allah, et il a écrit également sur la sunna, et il a de nombreux livres qui sont tous dans l'intérêt et dans le but de défendre les sciences du Coran et de la sunna. Et comme on a expliqué, parce que certains vous n'étiez pas là tout à l'heure quand on a expliqué ça, c'est-à-dire que certains des mubtadi'a, parfois ils disent, bon, comment ça se fait que vous excusez certains imams quand ils font des erreurs à propos des attributs d'Allah, mais vous excusez pas par exemple des gens comme Sayyid Qutb, qui font des erreurs dans l'interprétation de certaines des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué qu'il y a une différence dans le fait que Sayyid Qutb, c'est pas un savant de l'islam, c'est un journaliste, et c'est un égaré, un ignorant, et ses erreurs se limitent pas seulement à ses noms et à ses aux noms et aux attributs d'Allah seulement, mais il a des erreurs dans d'autres domaines de la religion, et des erreurs très très dangereuses et très graves, et c'est dans sa méthodologie tout entière qu'il a des erreurs, pas seulement dans un point spécifique comme celui-là. Et donc on voit que l'imam al-Khattab, quand on observe son manhaj de façon générale, on voit qu'il se base sur le Coran et la Sunna, et qu'il suit la voie des salafs, mais qu'il a commis certaines erreurs dans certains éléments, des petits détails, tandis que l'autre, son manhaj au complet est dévié. Et donc tu vois clairement que c'est quelqu'un qui est un mubtadi, un égaré, un innovateur, et en même temps aussi c'est quelqu'un qui cherche la vérité. C'est quelqu'un qui cherche la vérité, tandis que l'autre, c'est quelqu'un qui suit sa passion. Donc, c'est pas comparable. Donc, il y a ça. Puis après, il dit aussi: wa ma zakarahu huna min annana la naqulu al-yad bima'na al-qudra wal-ni'ma, li'an hadha huwa qawl al-mubtadi'a wa hadha huwa ma'na qawl man qala min al-a'imma kash-Shafi'i wa Ahmad wa Jama'a. نقول بالصفات بلا كيف لا ولا معنى يعني لا كيف كما يقوله المجسمة ولا معنى كما يقوله المؤولة. وهنا ذكر أنه غلا فيها قوم فحققوا فخرجوا بها إلى ضرب من التشبيه وجفى قوم فتأولوها أو عطلوها. والصواب ما بين هذين أنه إثبات معنى بلا تكييف فلا نقول اليد هي القدرة أو النعمة لأن هذا باطل من جهة اللغة فاليد صفة لله جل وعلا يليق كما يليق بجلاله وعظمته كما قال سبحانه يداه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وكما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وكذلك وجهه سبحانه حق على حقيقته صفة له ذاتية كل شيء هالك إلا وجهه وكذلك سمعه وبصره وكلامه وتكليمه وعزته وقوته وإرادته ورحمته كل هذا من باب واحد. فكما أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية, فإنك لو سألت كل مؤمن بوجود الله عز وجل ما كيفية ذاته فإنه لا يمثلها ولا يكيفها لأنه يعلم إلا أن يكون مجسما لأنه لا يعلم إلا أن يكون مجسما. وكذلك نقول إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فعندك أهل الاعتزال حينما أثبتوا ثلاث صفات وزاد عليها الأشاعرة أربعا فأثبتوا سبع صفات والماتريدية ثمان صفات ثم محققوهم إلى 20 صفة فقسموها إلى صفات ذات وسلبية ومعان ومعنوية إلى آخره. وكل هذا على أصولهم أن إثبات الذات وجود الذات وأن إثبات وجود لا إثبات كيفية. فكذلك يقال لهم طريقة السلف في إثبات الصفات إثبات وجود بلا كيفية. Donc là, le cheikh il a résumé tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Et c'est exactement ça qu'on avait expliqué. Hein? Et là, en fait, qu'est-ce qu'il fait après? Il mentionne un genre d'argument ou de débat entre yani, les Asha'ira et les Maturidiya et les Jahmiya et les gens d'Ahl Sunnah pour montrer comment ils se contredisent en fait. Et ça, on l'a déjà expliqué dans des cours précédents. Donc, c'est pas nécessaire de le répéter. Et il dit. Ok. Donc, ici, il explique un autre point. On va peut-être lire ça aussi, c'est bénéfique. Il dit. والمقصود هنا أن هذه القاعدة مهمة جدا أنه يحتاج إليه المناظر. Le cheikh il a parlé d'une règle. C'est quoi cette règle? La règle c'est que les gens de bid'a parfois ils ont nié certains attributs mais ils ont affirmé d'autres. Comme les Mu'tazila ils ont affirmé 3 attributs. Les Asha'ira ont affirmé 4 de plus, ça fait 7. Et les Maturidiya ils ont affirmé 8. Hein? Et il y en a d'autres qui ont rajouté encore jusqu'à 20. Donc tu vas dire, ok, vous avez affirmé ça, et vous nous blâmez d'avoir affirmé toutes les attributs. Pourquoi? Parce que si vous nous dites qu'en affirmant les attributs qu'on a affirmés, nous, ça c'est de faire une ressemblance avec le Créateur, nous on va vous poser la même chose à propos des attributs que vous avez affirmés. Donc si vous dites par exemple que vous avez affirmé que Allah est Al-Basir, et qu'il a Al-Basar, hein, alors... pourquoi vous nous blâmez d'avoir affirmé les attributs? Vous allez dire, non, nous on affirme qu'il est Al-Basir, mais on dit que la vue d'Allah n'est pas comparable à celle de ses créatures. Donc on dit dans ce cas-là, si vous dites que vous avez affirmé à Allah la vue, mais que vous dites que ce n'est pas une vue qui est comparable à celle de ses créatures, eh bien nous on va dire aussi la même chose, mais à propos des autres attributs aussi qu'on a affirmés. Qu'on les affirme sans qu'il y ait de ressemblance avec le Créateur. Donc ça, il dit ça, c'est une règle par laquelle tu peux convaincre ou arriver à réfuter n'importe quel de ces différents groupes, peu importe. D'accord? Parce que peu importe qu'est-ce qu'ils ont affirmé, s'ils l'affirment, ils sont obligés de dire qu'ils l'affirment pas de la même manière que celle des Créateurs. Et donc nous, c'est la même chose qu'est-ce qu'on fait. Donc ils n'ont pas de raison de refuser d'affirmer les autres attributs aussi. Et donc le cheikh il dit ici il dit wal munazir lil mubtadi'a idha habahu Allah jalla wa ala al awwal fiqhan fi an nusus wa ma'rifatan bi kalam as salaf 'alayha fi as sifat wa al thani thumma ma'rifatan bil lugha wa awjuh at tawjih al lughawi wa al thalith husn ilzam wa mujadalati ومجادلة ومعرفة لمذاهبهم فإنه لا شك سيكون غالبا كما قالت جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. Donc il dit, si tu veux écraser les mubtadi'a dans les argumentations, tu as besoin de 3 choses. Première chose, une connaissance des textes du Coran et de la Sunna, et de la connaissance des paroles des salafs au sujet des attributs. Deuxièmement, tu dois connaître la langue arabe et les différentes manières yani, dont fonctionne la langue arabe. Et troisièmement, tu dois également être capable de bien savoir comment argumenter. Et comment tu dois bien connaître aussi leurs différentes croyances. Et ça, on voit le meilleur exemple de ça, je pense, à notre époque, c'est l'exemple de Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, dans les débats et les argumentations qu'il a avec différents Mubtadi'a. À chaque fois qu'il s'assoit avec eux et qu'il argumente avec eux, il a la connaissance du Coran et de la Sunna et de la parole des salafs sur les différentes questions. Il a une connaissance très forte de la langue arabe, et donc il est capable de les ramener à la bonne compréhension des différents termes qu'il utilise, et des termes du Coran et de la Sunna. Et troisièmement, il sait bien comment argumenter et comment yani, réfuter leurs différentes croyances, parce qu'il a bien étudié leurs bid'ah et leurs égarements. Et donc il sait comment les écraser et les réfuter. Donc il dit, celui qui possède ces 3 choses-là, c'est certain qu'il va être victorieux dans la, dans la, l'argumentation et il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit et nous lançons la vérité sur le faux et elle la détruit et voilà qu'elle est anéantie. Et donc il dit وإنما يؤتى من يناظر القوم أو من يتكلم معهم من جهله بهذه الثلاثة جميعا أو بأحد منها. Donc si quelqu'un il se fait avoir dans un débat qui réussit pas à s'en sortir avec les gens de bid'ah dans une discussion, eh bien c'est parce qu'il parle alors qu'il est ignorant de une de ces trois choses là ou les trois ou une de ces trois choses là yani ensemble. Et ça veut pas dire aller débattre avec les gens de bid'ah, aller parler avec les gens de bid'ah, ça c'est pour les ulama. Ça c'est pour les ulama. Quand c'est eux qui vont aller discuter si c'est nécessaire avec un mubtadi' pour essayer de le convaincre ou quelqu'un qui a des shubuhat. Mais pas à n'importe qui là qui va commencer à rentrer dans des discussions avec les gens de bid'ah, que ce soit en personne ou virtuellement sur des forums ou sur internet. Parce qu'il y en a qui aiment ça. Ils veulent montrer leur intelligence. Ils veulent montrer qu'ils sont forts intellectuellement ou qu'ils sont capables de débattre. Alors ils vont soit aller voir des gens de bid'ah pour discuter avec eux. À chaque fois qu'ils apprennent quelque chose de nouveau, ils s'en vont discuter avec des gens pour voir, hein, pour essayer ça, pour voir avec eux est-ce qu'ils vont être capables de les battre dans les arguments. Après, il y en a d'autres, c'est sur Internet. Hein. Je vais aller débattre. Maintenant, j'ai des nouvelles connaissances. Je vais aller mettre ça en pratique. C'est pas comme ça que ça marche. Faites bien attention à ça parce que beaucoup de gens se sont égarés à cause de ça. Et il y a des jeunes là, je les voyais, ils sont arrivés, subhanallah, ils étaient pleins de très très motivés, hein, et ils étaient prêts à étudier, ils voulaient apprendre tout d'un seul coup. Et le problème avec ces jeunes là souvent, c'est que chaque fois qu'ils apprennent quelque chose, ils s'en vont tout de suite pour aller discuter ou débattre avec quelqu'un à propos de ce qu'ils viennent d'apprendre. Mais ils n'ont pas encore appris toute l'affaire au complet et donc ils ont juste des parties d'informations et donc ils partent, ils vont commencer à débattre et ils vont se faire mélanger dans leurs connaissances. Et là après ils commencent à avoir des doutes et à avoir des shubuhat et par la suite ils tombent facilement dans l'égarement à cause de ça. Allah musta'an. Donc il dit, soit qu'ils n'ont pas eu la connaissance des textes, ou ils n'ont pas connu la signification de ces textes-là dans la compréhension des salafs, hein, ou bien ils n'ont pas une connaissance suffisante de la langue arabe, hein, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'on retrouve chez certains, comment ils ont dévié à cause de ça. Et là, puis il dit, en terminant, le cheikh il dit, والبيهقي وجماعة منهم الخطابي راجع عليهم بعض الشبهات اللغوية فما تتخلصوا منها وهذا هو النوع الثاني مما يحتاجه طالب العلم المحقق في العقيدة باللغة والشواهد وكلام أئمة التفسير عليها وكلام السلف على معاني الصفات. Donc il dit certains comme al-Bayhaqi et d'autres et parmi eux al-Khattabi, eh bien, ils se sont fait prendre justement par certaines shubuhat linguistiques. Hein? Et ils n'ont pas été capables de s'en débarrasser. Et ça, c'est la deuxième chose que le talib il a besoin, c'est de connaître justement les significations des mots et des termes selon l'interprétation des salafs et la signification des salafs dans ces différentes paroles. Donc, c'est ça. Donc, ça c'est l'explication à ce sujet-là. Attends, on est rendu. Ah oui. Donc, on a presque fini le cours d'aujourd'hui. Juste lire le prochain paragraphe, qui est un résumé de qu'est-ce que le cheikh a dit. Il dit « وَهَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرَ الْخَطِيبِ » Abu Bakr al-Khatib. C'est qui Abu Bakr al-Khatib? C'est Al-Khatib al-Baghdadi. Al-Khatib al-Baghdadi. وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها عن مذهب السلف على ذلك. Donc Abu Bakr al-Khatib هو أحمد ابن علي ابن ثابت ابن أحمد ابن مهدي البغدادي اشتهر بالخطيب البغدادي. C'est-à-dire, ça, c'est celui qu'on appelle Al-Khatib Al-Baghdadi, un grand savant. Il a écrit beaucoup de livres. Il dit, بدأ سماع الحديث في سن مبكر من عمره وبعد أن بلغ عمره 20 سنة رحل في طلب العلم فذاع صيته واشتهر وصنف المصنفات الكبيرة تصل إلى 80 مؤلفا من كتاب كبير إلى رسالة صغيرة. وصفه الذهبي بأنه الإمام الأوحد العلامة المفتي الحافظ الناقد محدث الوقت. طلب في هذا الشأن ورحل فيه إلى الأقاليم وبرع وصنف وجمع وسارت بتصانيفه الركبان وتقدم في عامة فنون الحديث. انتهى كلامه. ولد سنة 92 و300 وتوفي سنة 63 و400. Donc il dit à son sujet que Al-Khatib al-Baghdadi, il a étudié le hadith, il a commencé à entendre le hadith à un âge très jeune, et quand il est arrivé à l'âge de 20 ans, il est parti pour chercher la science. Donc il est parti en voyage pour chercher la science, et il est devenu très célèbre par la suite. Il a écrit de nombreux écrits, de nombreux ouvrages, et on dit que le nombre d'ouvrages qu'il a écrits ont atteint le nombre de 80 livres. Il y en a qui sont des gros livres, il y en a qui sont des petits. Et l'imam al-Dhahabi l'a décrit en disant que c'est l'imam unique, le grand savant, le mufti, le hafiz, al-naqid, celui qui critique. Qui était le muhaddith de son époque. Il a cherché la science, il a voyagé dans les différentes régions, et il a écrit de nombreux ouvrages, et les gens faisaient des voyages même pour aller trouver ses écrits. Et il a été au-devant de toutes les différentes sciences du hadith, Et il est né en l'an 392 et il est mort en l'an 463. Al-Khatib al-Baghdadi. Et beaucoup de ses livres existent aujourd'hui, sont publiés on trouve ses livres dans les librairies encore aujourd'hui. L'imam al-Khatib al-Baghdadi, un grand savant. Et il dit il est wa huwa ala madhhab as-salaf. Et il est sur la voie des salafs dans les noms et les attributs d'Allah. كما صرح بنفسه وذكره الأئمة. وقد وقال عنه الذهبي وقد صرح الخطيب في أخبار الصفات أنها تمر كما جاءت بلا تأويل. انتهى كلامه. Donc il est sur la voie des salafs dans les attributs. Ça c'est Al-Khatib al-Baghdadi. Donc l'imam Ibn Taymiyyah, il dit, après avoir cité les paroles de Abu Sulaiman al-Khattabi, il dit, et de même que Abu Bakr al-Khatib, il a une risala lui aussi dans laquelle il mentionne que la voie des salafs c'est celle-ci, c'est-à-dire d'affirmer ce qu'Allah a affirmé sans nier les attributs d'Allah, et d'affirmer sans faire de ressemblance avec la création d'Allah, et yani de pas dépasser qu'est-ce qui est dans la révélation, et ainsi de suite. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera inshallah au prochain cours bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين.